Les nuits de France Culture, première nuit Alexandre Dumas. Nuit commencée en compagnie de Frédérique Lurolle, directrice du château de Monte Cristo, l'ancienne propriété d'Alexandre Dumas, Port Marly, aux portes de Paris. Nuit poursuivie avec André Mauroy, conférencier qui s'intéressait, ou qui nous intéressait, à la jeunesse d'Alexandre Dumas, puis à sa pièce Antony. Dumas avait moins de 30 ans lorsqu'il a fait jouer cette pièce, et cette nuit s'est prolongée avec Louis Jouvet dans une autre conférence qu'il avait donnée au début des années 50, ça s'appelait Mélodrame et romantisme d'Alexandre Dumas. Et nuit poursuivie à l'instant avec la diffusion de Kin avec Pierre Brasseur et Maria Cazares. Plus tard dans la nuit, nous entendrons Madame Béatrix Dussane évoquer Dumas et sa rencontre fugitive avec Talma, le grand comédien. Puis nous suivrons une adaptation du roman Ascanio, un roman inspiré à Dumas par les mémoires de Benvenuto Cellini. Et alors, dans cette adaptation, il y a Roland Bourdin, Claude Pieplus, Jean Davy, Claude Génia. Et puis on se quittera pour cette première nuit Dumas, il y en aura deux, par quelques indiscrétions, je baisse le ton, sur la vie conjugale d'Alexandre Dumas. Bonsoir Clara Edouin et bonsoir Romain Becdelièvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai cité Pierre Brasseur, Maria Cazares, Louis Jouvet, André Mauroy, Claude Génia, Claude Pieplus, à seule fin de vous impressionner, vous avez bien compris, Clara Edouin et Romain Becdelièvre. Est-ce que c'est réussi, Clara Edouin? Pas exactement, non. Ah bon? Il vous en faut beaucoup, en tout cas. Quand même, c'était pour vous dire à quel point vous êtes en bonne compagnie, mais nous sommes aussi en excellente compagnie grâce à vous, en compagnie des mousquetaires du roi, au moins les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas étaient quatre, je ne vous apprends rien, et vous, vous êtes deux, alors ça l'a fait une moyenne. Deux qui valent une troupe. Le collectif 49-701, c'est vous. On peut savoir vaguement ce que ça veut dire, Clara Edouin. Alors, le collectif 49-701, c'est donc à l'heure actuelle un groupe d'acteurs. On est presque 13-14 maintenant, parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent au fil des années. Il y en a qui doivent jouer ailleurs, qui ne peuvent pas faire toutes les dates avec nous. Et donc, il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Donc, on a un groupe à géométrie variable comme ça. Et on n'est ni 49 ni 701, mais ces chiffres-là étaient le code d'entrée à notre première école, le studio Théâtre d'Asnières, là où une partie de la troupe, le noyau initial, s'est rencontrée. Donc ça n'a rien de dumasien? Absolument pas, si ce n'est l'amitié de départ qui nous a réunis. Bon, alors cette idée de départ, c'était une idée toute simple finalement, c'était, et puis le résultat, et la persévérance et votre talent ont donné le résultat que l'on peut voir de temps à autre, c'est les trois mousquetaires en feuilleton. Alors, c'est pas pour une chaîne de radio ou pour une chaîne de télévision, c'est pour des lieux magiques ou pas magiques du tout, et lesquels alors? Où allez-vous traîner pour cette millième version mais très originale des Trois Mousquetaires? Vous les entraînez où? Alors les Trois Mousquetaires, ceux-là on les entraîne un peu partout, c'est difficile, il n'y a pas de loi générale. C'est vrai qu'on a investi pas mal d'édifices patrimoniaux, des bibliothèques, des musées. Dans Paris en tout cas, on a pu comme ça investir des bâtiments, des hôtels particuliers du Marais, comme la bibliothèque Fornet, qui est l'ancien hôtel des archevêques de Sens, le musée Carnavalet, la BHVP, la bibliothèque historique de la ville de Paris. Mais on a aussi travaillé dans un lieu qui s'appelle La Générale, par exemple, à Voltaire, qui est une ancienne station d'électricité, donc un lieu tout à fait un peu post-industriel, comme ça. Et on a aussi travaillé de nombreuses fois en dehors de Paris, dans des villages de Provence. Donc là, dans ces cas-là, ça nous arrive d'investir des ruines ou tout simplement des champs, des lieux tout à fait naturels, d'anciennes chapelles. Donc il n'y a pas de loi pour les lieux qu'on investit. Par contre, c'est vrai que le projet est né et s'est construit en occupant comme ça des lieux publics, des lieux qui appartiennent à tout le monde d'une certaine manière et qu'on vient occuper avec le roman. L'important, c'est que ça puisse être comme ça des lieux assez ouverts finalement, même si ça peut être des lieux fermés en termes d'édifices, de bâtiments, mais qui puissent appartenir à tout le monde de la même manière qu'on essaye de faire en sorte que ce roman appartienne à tout le monde. C'est déjà le cas évidemment, puisque Dumas est entré dans le domaine public. Oui, mais c'est terrible d'ailleurs, parce qu'un roman qui appartient à tout le monde, ça veut dire que tout le monde soit a lu, soit l'a vu au cinéma, dans différentes adaptations, pourquoi pas dans une comédie musicale, dans une opérette, en dessin animé, ça doit exister aussi, en bande dessinée certainement. C'est terrible quand même de réussir à capter activer des spectateurs qui ont peut-être envie de partir, parce que si le lieu est ouvert, il est ouvert aussi pour qu'ils puissent quitter les lieux. S'ils s'ennuient, alors comment faire en sorte, même si le roman est extraordinaire et qu'on jusqu'à la fin des siècles et des siècles, on le lira, mais quand même, que faire et qu'en retenir et quelle adaptation avoir fait? Parce que là, on a cité quelques lieux de représentation. Vous nous direz ensuite, l'un et l'autre, quels sont les spectacles. Parce qu'il n'y a pas une soirée avec les Trois Mousquetaires. Il y en a plusieurs, peut-être des dizaines, je ne sais pas. Mais il a fallu adapter. Alors, Romain Becdelièvre, qu'avez-vous décidé? C'est vous l'adaptateur? Un des adaptateurs? On l'adapte à trois, oui. Ce qu'il y a d'étrange, ouais, c'est que les gens connaissent Athos, Porthos et Aramis, selon une espèce de savoir extrêmement diffus et qui est très bizarre, qui relève d'une espèce de folklore et de légende, et qu'il est vraiment les hausse à un niveau qui serait proche du mythe. Mais dans le travail de l'adaptation, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans la mécanique de l'écriture de Dumas et dans l'écriture du feuilleton surtout. C'était aussi ça qui nous intéressait, et c'est aussi pour ça qu'on l'a découpé en saisons, en référence aussi au phénomène culturel massif d'aujourd'hui qui est la série télévisée, et dans laquelle on peut vraiment voir Dumas comme un précurseur. Et c'était ça aussi qui nous intéressait. Et là où les spectateurs sont aussi assez surpris, c'est de rentrer aussi dans le détail de cette intrigue-là. Alors vous en avez cité trois, mais vous n'avez pas cité quand même le plus célèbre. D'Artagnan. Pourquoi? Oui, D'Artagnan. Il est bien dans votre adaptation, hein. Alors, j'avais lu une histoire comme quoi les Trois Mousquetaires, le titre avait été arbitraire imposé par l'éditeur. Parce que même Dumas avait fait la remarque que les Trois Mousquetaires sont quatre, c'est complètement idiot comme titre. Et l'éditeur trouvait que ça sonnait mieux. Les Trois Mousquetaires. Et D'Artagnan, oui, c'est le héros de cette histoire-là, et c'est un des pivots, et dans l'adaptation, c'était vraiment un personnage qui lance cette espèce d'intrigue étrange, quoi, qui démarre dans une taverne, avec une bagarre de bar, avec Rochefort, qui va devenir son âme damnée, il va l'appeler l'homme de main, à Main-sur-Loire, avec un jeu de mots sur homme de main. Et c'est lui, ouais, qui va vraiment lancer cette intrigue-là à partir d'une bagarre de bar. Et c'est assez fou de voir comment, à partir de cette dispute, va se lancer une intrigue gigantesque qui va se poursuivre après, dans 20 ans après, dans le Vicomte de Bragelonne. S'il n'y a pas la bagarre de bar du début, il n'y a pas d'intrigue. C'est comme dans les westerns, en somme. Exactement. Oui. Mais alors quand même, quand vous êtes réunis, je ne sais pas comment vous êtes rencontrés les uns les autres, en faculté, dans une école peut-être, enfin, bon, peu importe. La première chose dont vous parliez, c'était que j'adore Dumas et j'adore les Trois Mousquetaires, les uns les autres ou... Non, pas du tout. En fait, Clara Edouin. Effectivement, donc on s'est tous rencontrés à peu près autour de l'année 2010-2011, et essentiellement dans cette école qui s'appelle le Studio Théâtre d'Asnières, même si la troisième adaptatrice, Jade, on s'était connue un petit peu avant à l'école normale supérieure et de lettres et de sciences humaines. Jade Herbulot. Et du coup, on a commencé comme ça à penser à l'idée d'adapter un roman. En fait, le désir de départ était plutôt celui de plonger dans une œuvre qui n'était pas théâtrale et de s'attaquer aux détails, au fonctionnement littéraire d'un autre type d'œuvre, d'un autre genre en fait, et de s'atteler à faire du théâtre à partir de ça. L'idée des Mousquetaires est arrivée plus tard en fait, même après l'idée de s'attaquer à un roman, après l'idée de faire de la série à partir d'un roman. Et après l'idée de vouloir aussi travailler dehors et avec les acteurs qui nous entouraient, qui étaient aussi beaucoup de garçons, de jeunes hommes. Et tout d'un coup, le souvenir des Trois Mousquetaires est arrivé un peu comme une fulgurance et faisait coïncider tous ces désirs différents et tous ces désirs aussi de construire un théâtre qu'on ne voyait pas forcément ailleurs et qu'on avait envie d'inventer, qui soit un théâtre romanesque, une sorte de théâtre d'action pour la ville aussi. Pour les lieux qu'on peut croiser tous les jours à Paris, qui sont assez désinvestis, en tout cas, de nos imaginaires, alors que ça peut être des lieux magnifiques, tels le Louvre, tels... Et où, en fait, on a envie de faire des choses assez spontanément quand on aime le théâtre et qu'on joue, qu'on est acteur. On a un peu, comme ça, ce désir d'investir certains lieux. Et tout d'un coup, les Trois Mousquetaires, avec les lieux qui sont ceux du roman, le Luxembourg, l'église Saint-Sulpice, ces quartiers-là. La rue Férou. La rue Férou, exactement, donc qui existe toujours. Le Louvre aussi. Il a un peu changé, hein, le Louvre. Mais... Alors voilà, en effet, mais tout d'un coup, avec les Trois Mousquetaires, tous ces désirs-là s'alignaient d'une certaine manière. Et après, en regardant en détail le roman, on se rend compte qu'il y a une matrice théâtrale aussi à l'œuvre. On sent que Dumas écrit du théâtre aussi, et que les personnages des Trois Mousquetaires sont aussi bien des personnages d'une vieille comédie, quelque part d'une vieille comédie latine, d'une certaine façon, où on a... pantalon, et on a une sorte de... Avec les valets. Oui, on a le matamor à travers la figure de Porthos, on a le dottore à travers la figure d'Athos, on a le jeune premier évidemment avec D'Artagnan, on a la jeune première avec Constance. On a un peu des la grands... méchante avec Milady. La méchante avec Milady, donc on a à la fois des grands classiques d'une certaine... Enfin, des grands types plutôt d'une certaine tradition théâtrale. Et aussi littéraire, mélodramatique également, voilà. Alors, quand même, finalement, ça existait les adaptations déjà théâtrales, Romain Magdeliev des Trois Mousquetaires. Vous aviez qu'à aller à la, je ne sais où, à la BN, où ça doit se trouver dans des tas de collections. Peut-être en bouquin Lafont, d'ailleurs, il y a l'adaptation théâtrale. Dumas l'avait fait lui-même, oui, une adaptation théâtrale. Avec Maquet. Oui, avec Maquet. Alors, pourquoi c'était bien plus simple? Eh ben non, c'était aussi l'idée qu'on voulait, défaire d'une certaine manière une espèce d'imaginaire qui a été beaucoup véhiculé par les adaptations cinéma, notamment de KPDP, qui n'était pas forcément un univers qu'on aimait beaucoup. Enfin, et on avait surtout envie de dépoussiérer cette chose-là, parce que si on se plonge vraiment dans le texte lui-même, bizarrement, c'est assez sec. Enfin, c'est-à-dire, les personnages sont très très peu décrits, c'est énormément de dialogues. Et donc, il y a la possibilité, en tout cas l'ouverture, pour une nouvelle adaptation, au sens où on peut réinvestir ces figures-là, d'une manière totalement différente, et notamment contemporaine. Oui, mais alors, donc, vous saviez bien que vous alliez aller plus loin que l'affaire des Ferrets, parce que souvent, au cinéma, on s'arrête au Ferrets, hélas. Mais exactement, vous, oui. Alors, vous, quel a été votre choix d'adaptation? Eh ben, aussi, ça s'est fait au fur et à mesure, au sens où on n'était pas sûr de mener ce projet à terme un jour. C'est-à-dire que là, ça fait maintenant 6 ans que le projet a démarré, et on est arrivé à la fin, là, l'été 2018, à la création de la saison 6, qui correspond à la saison 6 dans notre adaptation, qui correspond à la fin du livre. Et c'est vrai que les adaptations s'arrêtent souvent à l'intrigue des Ferrets, puisqu'il y a une forme de résolution au milieu du livre. En fait, il y a un peu deux parties dans le livre. Et on trouvait dommage de s'arrêter là, puisque dans la deuxième partie, le personnage de Milady notamment prend une importance assez singulière, notamment dans tout un passage, le moment où elle est enfermée en prison, où il y a une espèce de réduction de l'intrigue, où on n'est plus qu'avec elle en prison. Et le roman se concentre en tout cas sur cette figure-là. Et on avait aussi dans l'idée de faire de Milady un personnage central aussi. Central et... toujours antipathique? Vous avez eu le... Non? Vous avez eu envie de la rendre plus sympathique, peut-être, Clara Edouin? En fait, on s'est rendu compte en relisant, quand on s'est réattaqué à la lecture du roman tous les trois, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de parallèle dans les trajectoires de D'Artagnan et de Milady, que quelque part, c'était les deux personnages les plus seuls du roman. D'Artagnan arrive seul et puis il se fait des copains. Mais la question du groupe, du clan, du corps des mousquetaires du roi, ou en tout cas de ce qui fait collectif, elle est loin d'être évidente, bien que ce roman s'appelle Les Trois Mousquetaires et que traditionnellement il est regardé comme le grand roman de l'amitié. Et en fait, la manière dont ce collectif tient n'est pas du tout... C'est assez fragile. Et D'Artagnan lui-même, c'est une sorte d'individu qui tend à défaire les liens de ce collectif à l'intérieur duquel il s'insère et qu'il contribue à construire comme un groupe d'amis. Et on sent bien que, à un moment donné, les logiques individuelles viennent combattre les logiques collectives. Et chez Milady, symétriquement, c'est très net puisque c'est une sorte de pur individu, assez, du coup, de personnage très moderne, en fait, dans le roman, pour ce 19e siècle, en fait, qui est celui de Dumas. C'est une femme, déjà. C'est une femme qui est seule, qui n'est ni en couple, ni, en fait, relié à vraiment aucun groupe, même si c'est une espionne du cardinal de Richelieu. On sent bien qu'elle navigue comme ça entre différents lieux, entre différents pays. Elle est à moitié anglaise. Donc elle n'appartient ni à une nation vraiment, ni à un clan ou à un corps politique Voilà, on sent que elle est à la solde du cardinal, mais simplement parce que c'est un protecteur plus puissant qu'un autre et que qui la protège dans son individualité de femme, dont on comprend qu'elle est que cette individualité là s'est construite et de manière assez dans une sorte de reprise de force, dans la puissance, dans une puissance un peu d'autant plus décuplée qu'elle a été mise en danger, qu'elle a été déjà assassinée avant que le roman commence. Donc Milady quelque part est déjà un fantôme quand le roman commence, puisque la grande histoire de ce personnage, c'est que son épaule. Voilà, c'est la fameuse fleur de lys qu'elle porte sur l'épaule et qui est le signe de son passé, en fait, d'un passé condamnable qui la désigne comme prostituée ou comme criminelle. En fait, Milady, dans son passé très très jeune, aurait été mariée à Athos, qui, découvrant cette fleur de lys, la pend à un arbre. Croit la tuer. Oui. Voilà. Et on voit tout ça dans vos représentations? Absolument pas. En fait, nous, on suit le roman, ce qui fait que, comme dans le roman, ça, c'est une histoire qu'on raconte à peu près au milieu de l'adaptation. C'est Athos qui raconte cette histoire-là. Et on comprend que, en fait, la femme dont il parle, c'est Milady, et que cette fameuse Milady, dont on parle déjà depuis le début de l'histoire, est son ancienne épouse. Mais à ce moment-là, les personnages, eux, n'en ont pas forcément conscience. Mais donc tout ça pour dire que c'est une femme forte de fait, mais dont la force est construite dans la difficulté, la souffrance, dans un milieu d'hommes aussi, donc dans le combat d'une certaine manière. Milady est aussi une guerrière, quoi. Et donc forcément tous ces attributs-là qui lui donnent une forme de puissance un peu singulière, ça nous intéressait parce que on vit plus au même siècle que Dumas, qu'il y a de nombreux éléments du roman qui peuvent être un peu réactionnaires à l'égard du traitement des personnages féminins, un peu conservateurs, et que justement nous, ce qui nous intéressait, c'était pas de suivre forcément le roman dans tout ce qui dans ces passages-là, ou en tout cas dans ces interprétations-là, et de plutôt aller aux endroits où nous on percevait de la modernité. Et donc des problématiques contemporaines qui pouvaient nous intéresser. Mais vous jouez alors, vous êtes déguisé en mousquetaire, en Milady, en Bonacieux, vous êtes en costume d'époque, enfin de notre époque, et sans cap et sans épée. Voilà, justement, c'était une des problématiques, c'était de pas avoir les costumes de cap et d'épée traditionnels. Donc oui, il y a eu un parti pris dans le choix des costumes qui a été assez particulier. Il y a aussi une autre chose, vous parliez du western tout à l'heure, et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez Dumas, qui serait du western français, quoi. Il écrit le western français. Alors il invente le western français, il invente la série américaine de feuilleton. C'est tout. Ça suffit, c'est déjà pas mal. Ouais. Et du coup, dans le parti pris des costumes, on a voulu accentuer cette chose-là. Les mousquetaires relèvent de quelque chose qui est de l'ordre du cow-boy, en fait. Déjà parce qu'ils sont à cheval, on n'a pas de chevaux dans l'adaptation. Vous n'avez pas d'épée non plus? Non. Et parce qu'il y a aussi le... C'est quoi ces mousquetaires sans chevaux, sans épée, sans cap? Justement, c'est aussi tout le traitement, c'est tout un enjeu de mise en scène qui était celui de la question de la représentation de la violence, et notamment du duel, qui est une des choses capitales dans le... Enfin, qui est fondateur, enfin, une des choses fondatrices dans le roman, puisque c'est en faisant un duel qu'ils se rencontrent. Et ça, je vais pas dévoiler comment on traite cette chose-là, parce que c'est quand même... Il faut aller voir quand, où et comment, parce que c'est simple quand on parle d'une représentation d'une pièce comme ça, voilà, on pouvait aller à tel théâtre dans telle ville, tout est simple, il suffit de connaître l'horaire et de passer à la billetterie. Sauf que là, vous, c'est un petit peu plus complexe. On vous trouve comment? En vérité, actuellement, le projet, après avoir eu un parcours un peu marginal, où on a beaucoup travaillé avec des municipalités, donc effectivement, c'était souvent gratuit, l'entrée était libre, et il suffisait de se présenter au lieu qu'on indiquait, nous, sur notre site ou sur notre page Facebook. Le site, c'est quoi? Le site, il porte le nom de notre collectif, c'est www.collectif49701.fr. Et aujourd'hui, en fait, ce chemin-là a fini par un peu... à faire du spectacle un objet qui existait dans le paysage du théâtre public, malgré tout. Et on a fini, du coup, par intéresser des structures telles des centres dramatiques nationaux ou des scènes conventionnées, etc. Donc maintenant, c'est plus simple, ça ressemble à un fonctionnement classique. Il suffit de contacter les théâtres dans lesquels on joue et eux s'occupent de réserver les places des spectateurs. Alors donc, vous avez parlé de séries, de saisons. Six saisons, c'est ça? Six saisons. Alors, que se passe-t-il dans la première? Que se passe-t-il dans la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième? Disons que ces six saisons, on peut les découper en deux trilogies, qui correspondent... Attendez, 6 saisons en 2 trilogies. Oui, c'est-à-dire 2x3. Oui, oui. Ah oui, c'est voilà. Ça, 2x3. Qui correspondent aux deux parties dont parlait Romain tout à l'heure, c'est-à-dire la première grande partie, le premier cycle, que nous, on a rebaptisé le Temps de l'honneur. Ce premier cycle, qui comporte les 3 premières saisons, recouvre l'intrigue des Ferrets. Donc, si vous voulez, c'est la partie la plus connue du roman. Le second cycle, appelé le Temps des Assassins, se centre sur le personnage de Milady, sur la vengeance d'abord du cardinal puis de Milady elle-même et la course-poursuite en fait des mousquetaires chassant Milady jusqu'à la fin du roman. Voilà. Et la tuant. Voilà, bah vous venez de tout spoiler, bravo. Mais non, mais il pourrait y avoir. Effectivement, le roman a une fin assez amère puisqu'il finit avec. C'est comme si Dumas ne pouvait pas poursuivre son roman tant que Milady. Enfin, ne pouvait pas achever plutôt son roman tant que Milady était encore en vie et donc il faut tuer le personnage qui incarne quelque part cette force de récit, une sorte de Scheherazade comme ça, improbable, du 19e française. Enfin, si on tue Scheherazade, on n'a pas d'histoire le lendemain, on n'a plus de saison numéro 7, parce que bah, vous allez peut-être adapter Romain Macdelièvre, et vous, Clara Edouin, vous allez peut-être adapter 20 ans après. Bah, on aimerait bien. Ouais. Mais il faudrait peut-être laisser passer un peu de temps pour que les acteurs vieillissent. Mais on se contre-fiche du visage des acteurs. Au niveau de la convention théâtrale, hein, c'est vrai. Vous n'êtes pas acteur, vous, Romain Macdelièvre. Non, vous êtes adaptateur, tout. C'est tout. Oui. Vous avez oui, une tête de mousquetaire, pourtant. Vous pourriez... Non ? Et vous, oui, non, jamais. Et vous, Clara Edouin, alors non, je ne suis pas actrice du projet. Je suis juste adaptatrice et metteur en scène. Non, c'est pas tout à fait vrai. Elle joue un personnage assez important, qui est une figure muette qu'on a créée, qui est l'assistante du cardinal de Richelieu. Qui est une sorte de représentant de l'éminence grise. Ah oui. D'ailleurs, peu de gens se rendent compte que c'est une sorte de rappel ou de souvenir de cette éminence grise. Récemment, des spectateurs homme, sont venus vers grise. Moi en me disant « Mais vous êtes le père Joseph !» Ah oui, père Josepha. Et j'étais vraiment extrêmement touchée qu'on reconnaisse en moi... Ouais. Alors comment se termine la sixième? On ne va pas faire toutes les saisons, mais donc ça se termine par la mort de Milady. Ça se termine par la mort de Milady, ouais. On peut le dire, c'est quand même pas... Oui, bien sûr, les gens connaissent peut-être. Oui. Mais ce qui est très très étonnant dans cette mort, c'est la violence extrêmement froide qui s'abat à un moment, parce qu'ils poursuivent donc Milady, donc il y a les 4 mousquetaires avec leurs 4 valets, Planchet, Grimaud, Bazin, Mousqueton, Lord de Winter, le beau-frère de Milady, et le bourreau de Lille. Ce qui fait 10 hommes qui se lancent à la poursuite d'une femme et qui mettent à mort une femme. Et il y a quelque chose là... Dont deux ont couché ouais. avec elle. Athos et D'Artagnan, pour ne pas les citer. Et d'ailleurs, D'Artagnan qui avait un comportement plus que suspect ouais. et plus que discourtois à l'endroit de Milady. Et cette scène de violence, elle est assez étrange, en fait. Enfin, la scène, même quand on la lit, elle est très très bizarre. Le bourreau qui est censé exécuter la justice... C'est-à-dire tuer Milady selon le principe de la justice, il représente la justice et c'est une manière pour les mousquetaires de se dédouaner et de dire bon, on a l'élément de la justice avec nous, on fait pas ça par vengeance. On se rend compte que c'est le frère du l'ancien du premier mari de Milady qu'elle a tué. Lord Winter. Non, encore avant. Avant. Parce qu'elle a eu plein de maris. Elle a eu plein de maris, une histoire assez tumultueuse. Et donc on se rend compte que le représentant de la justice est en fait lui aussi là pour une histoire de vengeance. En plus c'est une scène d'orage, il fait nuit, ça se passe, on traverse un fleuve, enfin il y a énormément d'éléments symboliques, et qui fait que cette espèce de décharge de violence qui a lieu à la fin fait éclater le groupe, très clairement, parce que l'amitié après ils se séparent, ils se retrouvent dans 20 ans après, et il y aura des inimitiés qui vont réapparaître. Les uns travaillent pour le cardinal, l'autre pour le roi. Il y en a certains qui travaillent pour Mazarin, et puis l'autre pour le Parti des Princes, ça c'est dans 20 ans après. Et il y a quelque chose qui les relie là, et qui en même temps les fait éclater dans un mouvement qui est vraiment... Enfin, qui reste encore très très mystérieux. Et c'est en ça aussi que Dumas reste quelqu'un qu'on peut lire et relire sans jamais trouver d'interprétation unilatérale. Et si on est resté longtemps sans lire 20 ans après, on peut se dire, mais est-ce que Milady renaît finalement? Mais c'est drôle parce que comme on le disait tout à l'heure, en fait, Milady est un personnage qui meurt et renaît. Enfin, c'est une sorte de phénix déjà à la base, puisque comme on le disait, elle a été pendue avant de vivre toute une série de péripéties. Mais à la fin des Trois Mousquetaires, elle meurt vraiment. Sauf que dans 20 ans après, elle connaît une seconde vie à travers la figure de son fils, voilà. Mmh. Et la violence dont parle Romain, d'une certaine manière, le groupe ne s'en remet jamais, puisque tout 20 ans après, c'est l'affaire de la résorption de cette violence-là, ou en tout cas de la digestion de cet acte qui est clairement en fait un assassinat. Et donc comment ces hommes-là survivent à... comment ils métabolisent, comment des héros métabolisent un acte injuste, déshonorant, violent sur une femme. Qui allait les tuer, elle, cela dit. Oui, bien sûr. Ça fait partie aussi du décorum. Oui, oui. Alors comment ça se joue, tout ça, ces enjeux moraux, éthiques? Ça, c'est surtout sur la dernière saison. C'est surtout sur la dernière saison, la saison 6. Sinon, la matière principale de Dumas, je dirais quand même, est, au-delà du génie de l'intrigue propre et du déroulé, et du fait que les gens veulent savoir la suite et qu'on est tenu en haleine par ce récit-là, c'est quand même majoritairement un mode comique. Oui, mais parce que vous avez dû être surpris quand même. Enfin, en tout cas, les spectateurs qui entrent là, ah, les trois mousquetaires, on l'a vu à la télé, c'est chouette, ils se battent en duel, tout ça. Bon, alors, ils n'ont pas de duel déjà, en tout cas, vous n'avez pas d'épée. Si vous faites semblant de vous battre, ils se battent avec quoi, vos mousquetaires? Mais en fait, vous parlez d'enjeux moraux et en même temps de la question de nos accessoires et de nos costumes, en fait, ces questions-là sont liées dans les choix de mise en scène au problème de traiter l'héroïsme, en fait, aujourd'hui, au XXIe siècle, sachant qu'on ne veut plus forcément adhérer, encore une fois, aux visions les plus conservatrices qui sont liées à cet héroïsme-là, à savoir, ce sont des hommes avec des épées qui sont très forts, qui peuvent tuer d'autres personnes, etc. Enfin... comment on fait avec cette espèce de charge-là, enfin le boulet un peu de l'héroïsme qui peut être un boulet réactionnaire, quoi. Comment on fait aujourd'hui quand on veut à la fois s'emparer de ces intrigues fascinantes en désincarcérant finement ou en dégageant finement la question de l'héroïsme ou de l'épique, de ces attributs un peu embêtants aujourd'hui pour nous, quoi, qui peuvent être aussi de l'ordre de la misogynie des mousquetaires ou de la phallocratie à l'œuvre, etc. Donc toutes ces questions-là, par exemple, faire des mousquetaires sans chevaux, sans épées, ça ne doit pas impliquer non plus tout d'un coup de faire des figures un peu palottes et défaites de leur puissance propre. C'est-à-dire qu'il faut leur restituer leur puissance singulière, qui sont aussi des puissances de soldats, en essayant de les anoblir un petit peu tout en les démocratisant. Donc c'est très étrange. Parce que du coup, ils ont rien de ces anciens. Par exemple, Athos n'a rien d'un aristocrate dans notre adaptation. Enfin, alors que de fait, dans le roman, c'est très présent, que c'est le seul qui a le sang bleu d'une certaine manière. Et Aramis, c'est un peu prêtre, un peu. Oui, alors voilà, nous on garde en fait des sortes de traits. Donc dans les costumes, vous allez voir Aramis, il a une petite croix qui pend à son cou, un chapelet. Mais à côté de ça, il porte une veste en cuir. Il porte un blouson de cuir noir. Il est un blouson noir, donc. Ouais, un blouson noir. Aramis est un blouson noir. Ouais, exactement. Et puis Porthos, lui, qui est un personnage un peu plus flamboyant, une sorte de grand manteau qui ressemble à ceux de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, un grand manteau en cuir plutôt bordeaux rouge. Cache-poussière. Voilà, exactement. Il a un chapeau aussi de cow-boy. Donc en fait, ces attributs-là font référence de manière sourde au cheval absent ou aux armes, aux pistolets qu'on ne voit pas forcément. Enfin, des fois, nous, on tire aussi. Il nous arrive de tirer pendant le spectacle, notamment la saison 5 qui se passe à La Rochelle, c'est la saison de la guerre. Et donc, pareil, pendant la... Il y a de l'héroïsme, là aussi, ils vont chercher le... Oui, oui, voilà, enfin, mais c'est... Un héroïsme un peu décalé aussi, parce exactement. Que pendant La Rochelle... Un peu inutile. Il y a l'épisode du Bastion Saint-Gervais, oui. Il parie, mais dans une auberge, le fait qu'ils vont pique-niquer au Bastion Saint-Gervais, qui est entouré par les Rochelois, et donc qui est sous le feu de l'ennemi. Mais ils ont besoin de se souder, de se ressouder, parce que vous parliez d'amitié Romain avec Delève, mais c'est une amitié assez fragile quand même, parce que c'est très vrai fragile. Que... Ou alors, c'est le souvenir de 20 ans après, du comte de Bragelonne, mais c'est fragile, en effet. J'imagine que, parce que D'Artagnan est un peu dépressif, Aramis souvent, enfin tellement sournois qu'on ne sait pas quel est son réel caractère. Oui, Aramis, c'est la figure la plus diabolique. Je crois que c'est Stevenson dans Essai sur l'art de la fiction qui dit que c'est très étrange, parce qu'il y a le vicomte de Bragelonne dont on n'a pas parlé, qui est la troisième partie où là ils ont vraiment 50-60 ans et on assiste à la mort des mousquetaires, qui est quelque chose d'assez déchirant. Et Aramis, c'est le seul dont on n'assiste pas à la mort, donc on peut supposer qu'il est encore vivant. En tout cas qu'il est immortel. Donc il vient de temps à autre voir vos spectacles alors. On espère. Oui. Alors donc, on a parlé de l'adaptation, de l'écriture. Quels sont les passages qui vous paraissaient évidents et auxquels vous avez renoncé? Il n'y en a peut-être pas. C'est une bonne question. Ouais. C'est difficile parce que, en fait... Non mais peut-être simplement parce que vous êtes dit, oh, ça tout le monde connaît, on ne va pas tomber dans cette facilité-là. Mais ce serait dommage en même encore temps. Une fois, les facilités dans lesquelles on essaye de pas tomber, c'est tout ce qui correspond à nos images déjà préfabriquées de cet univers-là, de KPDP ou de cet univers historique-là, avec son folklore, etc. Donc, par exemple, le bal de la Merlaison, c'est pas un vrai bal, ça va être plutôt comme une montée des marches à Cannes. C'est ce genre de choses. Donc on essaye plutôt d'inventer des dispositifs qui peuvent faire signe vers le contemporain tout en... Ils changent sans doute en fonction des lieux où vous jouez. Parce que vous parliez de la bibliothèque Fornay, il y avait le théâtre Paris-Villette, Carnavalet, la mairie du 4e à Paris, enfin pour rester à Paris, donc aussi à Saint-Denis. Mais chaque fois, ça doit être un problème de nouvelle mise en scène, en tout cas de mise en espace. La particularité de ce projet, c'est qu'il n'existe pas de mise en scène fixe, en fait. C'est à l'inverse d'un spectacle qu'on peut monter et déplacer sur tous les plateaux de France et de Navarre et remettre sur pied en quelques temps de technique. Là, nous, on est obligé de se trimballer avec tous les acteurs au moins 24 heures, si ce n'est 48 heures avant une saison, pour la remettre en scène dans un lieu, c'est-à-dire repenser tout le dispositif d'entrée, de sortie, de course, d'apparition. Et ça, en fonction des escaliers, des fenêtres, des volumes de l'espace qu'on investit et de son architecture, ça change. Tout le temps, mais je suis sûr que c'est très très très excitant pour vous tous, en tout cas pour tout le collectif 49-701. On peut trouver ça donc sur le site collectif 49-701, Trois Mousquetaires, et chercher où se trouve où va se jouer le spectacle, l'une des saisons ou toutes les saisons. Ça dure 14 heures, je crois, si vous jouez les trois mousquetaires d'affilée, enfin toutes les saisons. On peut trouver ça sur ce site. On redit que donc l'adaptation est de vous deux. Claire Edouard et Romain Becdelièvre et Jade Herbulot. Et vous êtes co-auteur et dramaturge, c'est ça. C'est le nom. Et premier lecteur, et premier nouveau lecteur. On est toujours relecteur de Dumas. Merci beaucoup. Eh bien, cette première nuit Alexandre Dumas se poursuit. On va entendre parler de Talma. Et puis, on va entendre Ascanio, l'adaptation de ce roman. Et puis, quelques potins sur la vie conjugale d'Alexandre Dumas.